Le cinéma et André Bazin substituent à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Retrouvez toute la musique du cinéma avec Le Mato, jeudi soir à partir de 19h sur ma radio. Vision 01 47 20 0 0 0 1. C'était Jean Mineur. Hein, Jean Mineur, publicité. Bonsoir, Le Mato. Bonsoir, mon ami Jojo. Et on est content de t'avoir ce soir pour une spéciale God Art. JLG pour les intimes. JLG. Et donc, à toi les manettes. Alors, on va commencer par une mort. La mort de Monsieur Poicard. Eh ben putain, ça commence bien. Ça commence sur les chapeaux de roue. Mais une mort joyeuse, fort heureusement, et une mort qui symbolise une renaissance. D'accord, ben on écoute. Je laisse la mort défiler les premiers accords et après on en parle. Bien sûr. On écoute tout de suite, dans un instant. On écoute, what's up, baby? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est marrant que juste avant de commencer cette émission, tu aies passé une chanson chantée par Jean Gabin. Jean Gabin, qui faisait partie en fait un peu des gens que voulaient éliminer tous les jeunes loups de la nouvelle vague, dont faisait partie Jean-Luc Godard et Truffaut et les autres. Bah on l'a éliminé, il est passé juste avant. Ouais, et ça je trouve ça plutôt bien, c'est assez bien. Ouais. Puisque en plus avec la bande originale qu'on écoute là, c'est celle d'À bout de souffle en 59, et c'est un film qui crée une rupture entre le cinéma français ancien et le moderne. Le cinéma de papa. Et après, ouais, le cinéma de Jean-Luc, qui maintenant est un papa. Maintenant, voilà. C'est maintenant qu'il faut tuer le père. Maintenant. Alors moi, je vais juste te dire une chose. Moi, je me place dans l'ignare. Dans la candeur absolue. Parce que moi, tout ce que j'ai vu de Godard, c'est À bout de souffle, justement. Voilà. Le reste, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Le mépris. Ah si, si, pardon. Et le mépris. Excuse-moi. Pierrot le fou aussi, non ? Non. Le mépris et À bout de souffle. Dieu sait si le Pierrot le fou, on m'en a parlé, notamment toi, tu m'en as parlé. Mais voilà, c'est les deux seuls que j'ai vus de Godard. Donc pour moi, ça reste une grosse interrogation, Godard. Et je suis très content parce que justement, ce soir, tu vas nous apprendre pas mal de choses. Ouais, bien sûr, on va essayer justement un peu de décloisonner Godard. Décloisonnons Godard. Hein. Ouais, c'est le mot de la journée. Hein, décloisonner. Hein, il faut décloisonner. Exactement. Donc là, on va juste. En fait, Godard, il est connu pour ses films, mais aussi pour sa voix très, très particulière et cette façon de s'exprimer très intéressante. Pour ses lunettes aussi. Pour ses lunettes. Pour son gai savoir. Et là, on va écouter un petit truc. Écoutez, là, juste. Un petit interview de GLG. GLG. Donc, je dois trouver le moyen d'aller vers ces gens-là et puis surtout de les laisser parler. Ce qui a quelque chose de très frappant, c'est quand on interviewe des ouvriers, aussi bien dans un film d'un gauchiste comme Rocard récemment à la télévision, que dans un film d'un droitier réac comme Fontanet récemment à la télévision à Armégal, ces gens, ils n'ont que 15 secondes, ils n'ont jamais parlé de toute l'année. On leur laisse 15 secondes ou même 3 minutes pour parler. On leur dit, alors que pensez-vous de la grève? Alors que pensez-vous de votre sort? Mais qui peut répondre, ayant eu la bouche cousue, qui peut répondre? C'est très actuel, hein? Ah, c'est très actuel, hein? Ouais. Là, on était en 72, là. C'était pour un film qui s'appelait Tout va bien, qui justement essayait de... je sais pas, de traduire le problème ouvrier, et donc il se faisait interviewer. Et j'aime bien ce qu'il dit quand il dit que souvent les journalistes vont sur le terrain. C'était un interview, hein, il le dit. Hein, un interview, hein, il dit interview. Hein, donc, voilà. Et donc, ce que j'aime bien avec Godard, c'est que toujours il a la propos et il essaie un petit peu de changer les idées reçues. Et là, il parle effectivement des journalistes qui viennent parfois sur le terrain interviewer juste et qui laissent la parole juste le 15 secondes et qui posent des questions, genre alors que pensez-vous de la grève ? Et effectivement, un ouvrier qui prend jamais la parole est bien normal de répondre. En tout cas, synthétiser. Les auditeurs ne le voient pas, mais je hoche la tête. Hein, tu hoches. Hein, je hoche. Du verbe hocher. juste un petit sérieux pour commencer. Juste, je voudrais rendre hommage et surtout dédicacer cette émission à Jean-Paul Belmondo, qui, à l'heure où on parle, est dans un état assez grave. Et, critique. Ouais, un état critique et qui pourrait peut-être nous quitter, j'espère le plus tard possible. Mais voilà, en tout cas, il est dans un sale état aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste... Il est, j'ai envie de dire, à bout de course, Pierrot. À bout de course, et j'espère pas encore quand même, pas en tout cas à bout de souffle. Il était effectivement dans le film de Jean-Luc Godard en 59, avec Jeanne Seberg, hein, qui descendait les choses. Jean Seberg, hein, c'était un homme. Hein. C'était un homme. Ouais. Jeanne Seberg, en fait, que Godard en fait avait repéré, c'était une petite actrice américaine, il l'avait repéré, il était tombé amoureux d'elle en voyant Bonjour Tristesse d'Otto Preminger. D'accord. Et donc en fait Godard était quand même un sacré séducteur, hein, et Truffaut était pareil, donc c'était très sérieux, mais c'était quand même des gens qui faisaient du cinéma pour draguer les nanas. Bah oui, bah, c'est sûr, parce qu'il n'avait pas un physique facile, comme on dit, Godard. Ah, je trouve pas, moi. Ah d'accord. Bon, ah, bon, moi j'aime bien, je trouve qu'il a certains charismes avec ses lunettes. Ah non, moi j'aime plutôt d'accord. Physiquement, je trouve qu'il est assez beau, Godard. D'accord. C'est un peu le Georges Clooney de l'époque, c'est ce que Ouais, Georges Clooney, sauf qu'il jouait pas à Godard, ou en tout cas très rarement. Il a joué ? Il a, écoute, il a sûrement fait des petites apparitions. Là, en ce moment, il joue dans ses films. Ah bon ? Ces films qui ne sont plus vraiment des films, qui sont un peu des espèces de non-films. Des œuvres picturales. Ouais, des réflexions. Ouais. C'est toujours quelqu'un, en fait, qui s'est posé la question de savoir... qui a toujours posé la question, qu'est-ce que le cinéma ? Comment filmer ? Pourquoi filmer ? Déjà, À bout de souffle, montrait ça. Il s'est toujours remis en question, si tu veux. Il est pas... si tu veux. C'est là une question, en fait. Hein. Ouais, il s'est remis en question. C'est ça, la question que je posais. En fait, il n'était pas du tout dans l'acquis, même si il avait un acquis, et il a toujours remis en question sa façon de faire, j'imagine. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, en fait, c'est d'abord quelqu'un. Il poussait les limites, peut-être loin. Peut-être, ouais. Mais c'est sûr. Et c'est surtout avant de se remettre lui-même en question, il remettait le cinéma en question et l'art en question. D'accord. Et donc en 59, là, on écoute justement les partitions que Martial Solal avait composées pour le film. Très belle musique, là, qu'on entend derrière nous. On va peut-être après augmenter le son pour juste s'en délecter. Hein. Et non, le film est très intéressant, on en parle après. Le film est très, très intéressant, très novateur. C'était une nouvelle... Quel film, pardon ? À bout de souffle, toujours. À bout de souffle, toujours. Voilà, ouais. En 59. La même année, les jeunes loups de la Nouvelle Vague vont connaître la consécration à Cannes avec les 400 coups qui va gagner le Grand Prix donc de François Truffaut. Et puis Jean-Pierre Léaud qui monte les marches avec Jean Cocteau à l'époque. Enfin, c'est des photos aujourd'hui, des souvenirs mythiques. Voilà. Je te propose de laisser les dernières 30 secondes la musique de Martial Solal pour À bout de souffle. Magnifique. Là, c'était plutôt pas mal. Hein. Et puis on change. Voilà, donc là, on tombe avec une musique. Vous allez tout de suite voir la différence entre le côté très, j'allais dire brutal, en tout cas plus jazzy, et là, de Martial Solal. Et là, on est avec Une femme est une femme, réalisé un an après. Et par là, c'est le grand Michel. Exactement, par le grand Michel et surtout par le grand Jean-Luc. Et c'est et donc Michel Legrand qui fait une partition quand même fidèle à son style, un truc plus romantique, plus sentimental. Et ça va très bien avec ce film qui joue sur les montages, qui joue sur la lumière, sur le son. Voilà. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit, enfin en tout cas, moi je le vois et on l'entend, tu parles avec passion. Et ça, ça fait plaisir. Ah. Bon. Donc voilà, on va commencer de manière un peu simple et très didactique, hein, en disant que Jean-Luc Godard est donc un cinéaste franco-suisse. Et oui, il est né le 3 décembre 1930 à Paris. Comme Stéphane Escher. Comme Stéphane Escher, absolument. Mm. Sauf que lui, il est suisse français. Hein, excuse-moi, je peux pas m'empêcher de rajouter un petit trait d'humour. Mais en même temps, tu as raison. Hein, ouais. Tu es là pour ça. Tu es un petit peu l'amuseur, le chansonnier de service. Voilà. Et donc, il a fait également l'acteur. Effectivement, il était chef monteur, dialoguiste, monteur, producteur, scénariste. Et effectivement, vous retrouverez sur toutes les informations, c'est effectivement le chef de file de la Nouvelle Vague. Mmh, d'accord. Il y avait plusieurs personnes dans la Nouvelle Vague, il n'y avait pas seulement Godard. Oh là là, il y avait des... Il y en avait des caisses et des pas mûrs. Et des pas mûrs, et des gens qui sont moins mûrs aujourd'hui. Des gens comme Jacques Rivette, comme Éric Rohmer, comme Claude Chabrol, François Truffaut évidemment. Et Jean-Luc Godard, c'était des jeunes critiques qui avaient pas fondé, mais en tout cas collaboré dès le début au Cahier du Cinéma, qui ont jeté un petit coup de un pavé dans la mare en critiquant un peu le cinéma de papa. Donc c'était des plumes à la base. C'était des plumes, et en fait ils ont sauté le pas, plumes à la caméra. Ils ont commencé à faire leurs films, et notamment Godard, des mecs comme Rohmer, Rivette ont commencé au même moment. D'accord. Donc c'est eux qui ont créé la Nouvelle Vague. Exactement. Là on écoute une égérie, la Nouvelle Vague. Est-ce que Anna Karina. Pardon. Oh là, on écoute. J'avais juste une petite question avant d'écouter Anna Karina. C'était, ils l'ont créé consciemment, la Nouvelle Vague. C'était une sorte de dogme. Ils se sont dit, on va créer une rupture et on va créer. Ouais. C'est eux qui l'ont nommé déjà, la Nouvelle Vague. Non, la Nouvelle Vague, c'est pas vraiment eux. C'est un journaliste, je ne sais plus de quel, qui était extérieur à la Nouvelle Vague, qui a je crois, à un moment dit, voilà, on va les appeler les Nouvelles Vagues. Eux, on était conscients, oui et non. Ils vous diront tous non, je pense, si on leur pose la question. Mais évidemment que oui, parce qu'effectivement, déjà, il y avait une rupture dans leur écriture, dans leur façon de critiquer le cinéma, qui déjà, en soi, était une nouvelle donne. D'accord. On écoute Anna Karina. Détester quand on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse dans le dos. Moi je dis toujours oui quand on me dit viens chérie. Avec les garçons, faut jamais faire de façon. Je ne suis pas sage, je suis très cruelle, mais je gagne en enrage. Donc Anna Karina, égérie et future femme de Michel. Jean-Luc. Michel tout ce soir. Non, parce que j'avais envie de parler de Michel Legrand finalement, qui a fait pas mal de musique de films de Godard. Lui-même Godard qui avait un vrai truc pour la musique, parce que non seulement pour le visuel mais aussi pour la musique. Mais disons que c'est quelqu'un qui a en fait s'est toujours intéressé donc à l'image mais aussi au son et donc par voie de fait à la musique, et savoir comment l'utiliser dans les films et comment lui donner une autre réalité. C'est vrai que souvent la musique de film était là pour accompagner, pour souligner une émotion. Avec Godard, elle s'inscrit totalement dans le processus créatif du film. Donc il y avait non seulement Michel Legrand, mais il y avait aussi Georges Delerue. Absolument. Enfin des putains de des grands noms du Gabriel Yared a composé aussi pour lui. On va les écouter tout au long de cette émission. Mais c'est vrai que la musique était pour lui quelque chose de très important, et surtout quelque chose avec laquelle il jouait vraiment. Quand je dis ça, c'est qu'il n'hésitait pas, par exemple, à couper un morceau brutalement, le réinjecter, faire du montage, faire du découpage avec la musique comme avec l'image finalement. C'est là où il va vraiment apporter quelque chose de nouveau, en tout cas dans la manière d'aborder la musique. Et là on écoute Aznavour, que Godard utilise dans Une femme est une femme, et de manière assez intéressante. La musique sort d'un jukebox dans un petit café parisien. Je vous explique un peu après la séquence. Tu m'exaspères, tu me tyrannises, je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Dans mes amis, quelle catastrophe. C'est marrant parce que Aznavour, au fur et à mesure où je fais des émissions, donc sur ma radio, que ce soit tout simplement samplé avec Professeur Guillaume ou l'émission de Michel Vedette ou la tienne, et ben on entend souvent Aznavour. Bah, c'est vrai que c'est important Aznavour. Hein. C'est marrant. Hein. Puis il a traversé, c'est marrant, pas le siècle, ouais, mais en tout cas une bonne partie du siècle précédent. Il a influencé beaucoup finalement la musique, que ce soit en sample, ouais, au cinéma. Voilà, c'est assez impressionnant. Et là, cette chanson est assez cruelle, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui regarde sa femme et qui commence à lui demander, à lui dire qu'elle se laisse aller, qu'elle prend des formes, qu'elle grossit. C'est aussi un peu une rupture mal digérée. Mmh. Et dans Une femme est une femme, c'est très drôle, parce qu'Anna Karina vient de s'engueuler avec son petit ami qui est joué par Jean-Paul Belmondo. Mmh. Il y a Brialy aussi qui joue dans le film, hein, c'est un peu un ménage à trois. Mmh. Et Brialy, il était avec Belmondo ou Anna Karina? Non, pas du tout, il est avec Anna Karina. Et donc, il va dans le café, si tu veux, et un peu déprimé. Et tout ça, et donc il met le jukebox, il met cette chanson, et du coup elle prend tout son sens là, avec cette espèce de rancœur qu'il y a dans la voix d'Aznavour dans cette chanson. Essaie de te montrer gentille, redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur, et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Magnifique, non? C'est ouais. Cruel, mais cruellement magnifique. C'est cruel et c'est chanté complètement à l'inverse de la cruauté. C'est-à-dire qu'il le chante d'une façon où c'est une déclaration d'amour presque, ouais, la façon dont il le chante. Et... Ah, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mépris en même temps, de l'amour. Il a envie de lui dire, putain, merde, réveille-toi quoi. Réveille-toi, ouais. Réveille-toi. Et réveillons-nous, puisque c'est surtout une histoire d'amour, une histoire de couple. Vivre sa vie maintenant, c'est toujours Michel Legrand, deuxième collaboration avec Jean-Luc Godard. Vivre sa vie. Après, donc. À bout de souffle, donc. À bout de souffle, c'était Solal. C'était Solal, absolument. Mmh. Une femme est une femme, mmh. C'est Legrand. Et là, il récidive, si je puis dire, avec Vivre sa vie. Film assez incroyable, assez déroutant. Il est vraiment divisé en 13 séquences. Godard, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la littérature. D'ailleurs, c'est ce qui a un peu rejoigné tous ces jeunes loups de la Nouvelle Vague qui étaient Truffaut, Godard et tout ça. C'était des grands lecteurs. Donc, ils viennent vraiment de la littérature. C'est un cinéma, on dirait, presque très littéraire. Et donc le film, il est très empreint de philosophie, ce film. Il se divise en plusieurs séquences, en 13 séquences, voilà, sur la vie. Ce sont des réflexions. Le film est assez drôle parce que ce qui est bien avec Godard, c'est que ça paraît comme ça très sérieux et en même temps, il y a toujours une espèce d'ironie, de détachement avec le réel qui prête à rire souvent. Et je continue à hocher la tête parce que je n'ai rien à dire à tout ce que tu dis. Je trouve ça magnifique. Tu expliques très bien. Bon, bah écoute, je suis ravi et laissons parler des accords de Michel Legrand. La BO donc de Vivre sa vie, Voilà, il y a, les 13 séquences dont je vous parlais. Alors je vais vous en lire quelques-unes juste pour vous dire à quel point c'était un petit peu à la fois surprenant. Voilà, comment en tout cas est présenté son scénario. Donc la première séquence, c'est comment Nana et André se parlèrent sérieusement. La deuxième, c'est comment Nana se posa des questions sur elle-même. Ensuite, c'est comment Nana continua de vivre sa vie. Comment Nana chercha de l'argent sans le trouver. Comment Nana fit un tour sur les Champs-Élysées. Bref, voilà, comme tu peux l'imaginer, il y a quelque chose un petit peu de il plaisantait, il jouait avec les styles, avec le, enfin voilà, une espèce d'humour un peu au sens direct. Et donc le film, finalement, ça en fait une espèce d'objet un peu bizarre et un peu surprenant à regarder. C'est regardable. Bien sûr que c'est regardable. D'accord. Ouais. Surtout la première partie de Godard, les années 60, les films sont vraiment regardables, quoi. D'accord. Il y a une vraie trame. Absolument. Ah, et là, les accords, de la rue pour le mépris. Fabuleux. Quelque chose de tragique, là. Quelque chose c'est des sons, ça, qui résonnent en moi. Imaginez, on voit Bardot nu, hein, sur son lit. Piccoli, la regardant, avec son petit chapeau, là. Ils étaient beaux, tous les deux, là. C'est marrant, on va apprendre plein de choses sur cette séquence, d'ailleurs, qui, au départ, n'était pas prévue, hein. Et Godard, lors d'une interview, explique un petit peu pourquoi il l'a intégré. On le laissera parler tout à l'heure et il nous expliquera tout ça. Moi, j'aime bien cette musique. Il y a vraiment quelque chose d'un lyrisme incroyable. Pour moi, c'est une petite Madeleine. Hein. C'est une petite Madeleine. Hein. Ah, vraiment. Tu frissonnes un peu ? Ah, complètement, je frissonne. Bon, bah, super. Alors, je vais te laisser frissonner. Donc Le Mépris, c'est un film donc adapté d'un roman de l'Italien Alberto Moravia. Un film qui, comme son nom l'indique, est un film sur le mépris. C'est la séparation d'un couple, mais une séparation tragique. Tragique, ouais, puisque justement c'est pas une engueulade forcément qui provoque cette. C'est juste une espèce de mépris. C'est l'histoire d'amour se délite progressivement. Tout ça sur fond de cinéchita, de cinéma. Donc il y a aussi des références aux tragédies grecques. Enfin, c'est un film vraiment hyper riche et surtout. Il y a la présence de Bébé, de Godard, de Brigitte Bardot, la belle, voilà, qui était un corps incroyable à l'écran et à l'époque, et surtout un corps presque scandaleux. C'est même pas presque scandaleux en soi, c'était aussi une nouvelle vague, un nouveau corps à elle toute seule. Ouais. Et aujourd'hui aussi d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, la fleur, c'est un peu flétrie, on va dire. Fanée. Alors toujours Georges Delru, là, on va écouter des extraits de films, et notamment là, vous allez écouter la voix de Jean-Luc Godard, qui en hommage à Guitry. Aller lui-même déclamer le générique. Voilà, on voit rien à l'écran, juste la voix de Godard qui dit, qui sont les. Le roman d'Alberto Moravia. Le générique du film. Écoutez sa voix magnifique. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Jamol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sibel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematografica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. Magnifique, là. Hein, il parle de Bazin. Bazin, c'était le père spirituel de toute la Nouvelle Vague, celui qui a fondé la, la revue Les Cahiers du Cinéma. Bah, il parle non seulement de Bazin, mais il parle de Fritz Lang, il parle de, putain, il parle de beaucoup, beaucoup de monde. Hein. C'était, ouais, il y a une espèce d'hommage au cinéma. Fritz Lang, donc le grand cinéaste allemand, joue dans le film. Ouais. Il joue d'ailleurs son propre rôle, hein, le rôle d'un cinéaste. Incroyable, incroyable générique en tout cas. Fabuleux, ouais. Ça n'a jamais été refait. Hein. Jamais vraiment, peut-être, ça, je ne peux pas dire, je ne sais pas, mais sûrement. En hommage éventuellement. En hommage, en tout cas, c'est Guitry qui avait commencé à faire ça, c'est-à-dire qu'il s'amusait à déclamer lui-même le générique. Ouais, absolument. D'accord. Voilà. C'est là, la fameuse séquence là, est en train de parler de sur le lit. Là. Sur le lit, mais tu m'aimes encore. Ah, elle est fabuleux. On se l'écoute ? Ah, on s'écoute, allez. Bien sûr. Tu la trouves jolie ? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes ? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi ? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses. Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Prêt. Tu veux que je me mette à genoux? Non. Ça va. Et mes soeurs, tu les aimes? Oui, énormément. Doucement, toi, pas si fort. Le son est un peu pourri malheureusement parce qu'on n'entend pas très bien, mais on l'a chopé de le répondeur, en fait c'est le répondeur d'un chirurgien esthétique. Alors on a chopé ce son sur le répondeur d'un chirurgien esthétique. Et alors le son est on peut le considérer comme pourri, mais Godard lui ne le trouvait pas pourri. Il y a un gros souffle, il y a un gros souffle quand même. Hein. Ouais, on entend le gros souffle derrière. En fait, voilà, c'est enregistré en son direct. D'accord. Godard essayait au maximum de faire des prises de son en son direct, de tricher au minimum. Le minimum, ouais. Voilà, et lui parfois Godard il coupait les mots en pleine phrase, ou il mettait la musique qu'on n'entend pas, d'accord, de ce que disent les interprètes, et tout ça faisait partie du processus. C'est-à-dire comme si tu étais vraiment dans l'action, quoi. Il y a des moments où tu n'entends pas forcément ce qu'on te dit. Bon, en même temps, tu n'es pas là pour dire « Excuse-moi, tu peux répéter ?» Mais non. Ben voilà. Non, puis, tu sais, c'est comme en art, parfois, il y a des peintres, des artistes qui coupent des têtes ou en tout cas qui font des collages. C'est ce que faisait Godard. Il faut vraiment appréhender le cinéma de Godard comme du collage. Et le cinéma, c'est du collage. Enfin, moi, j'appréhende Godard peu, mais j'appréhende Godard en tout cas comme un plasticien avant d'être un réalisateur, finalement. Oui, mais est-ce que le travail de plasticien est quelque chose qui fait partie de la fonction de réalisateur? Moi, je pense que oui. Oui, bah, lui, c'était peut-être le représentant. Hein. On se tripote sur ces quelques mots. Hein. Et on écoutera après une interview de Godard où il se justifie pas vraiment, sur cette séquence, en fait, qui dans le montage, dans le premier montage, il n'y avait pas cette séquence. Et en fait, il se trouve que les producteurs, notamment américains, qui avaient coproduit le film, on dit, écoutez, là, vous êtes en train de filmer la plus belle femme du monde, donc Brigitte Bardot à l'époque. Bon, à aucun moment on la voit à poil, à aucun moment il y a une scène d'amour. Il nous faut une scène d'amour. Mmh. Il a tourné cette séquence quasiment en une journée. Ouais. Qui est devenue mythique. Donc, comme ça, parfois, les grandes rencontres se font sur des petits incidents comme ça. Et sur des contraintes, finalement. Et sur des contraintes, absolument. Ouais. What happened to you, Paul? Qu'est-ce qu'il dit? Je parle pas plus l'anglais que toi. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on aille à Capri? Parce que tu es un homme. Tu me fais peur, Paul. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Mais tu n'avais qu'à me répondre. Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas au lieu de rester les bras en bas? Tu as l'air... Pourquoi est-ce que je me suis marié avec une dactylo de 28 ans? C'est vrai. Je te demande pardon. Moi aussi. Là encore une séquence mythique dans l'appartement où Godard joue avec les embrasures de porc, des choses comme ça. Ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est que presque tout le film, les sentiments des personnages sont retranscrits. C'est cette espèce de chose... Impalpable. Ouais, impalpable. Ils sont en train de se quitter, de se perdre. Je suis ton dictionnaire hein, ce soir. Tu es mon dictionnaire. Voilà, si tu cherches. Dictionnaire vivant. Voilà, je suis ton petit Robert. Voilà. Et donc quand elle dit à un moment, quand elle lui dit je t'aime, on sent déjà. Quand elle dit, non, lui lui dit je t'aime, elle dit moi aussi. Dans le moi aussi, on sent déjà qu'elle est loin quoi. Mmh. Et c'est ça que le film est merveilleux quoi. C'est une espèce de film tragique pour ça. Comme je disais tout à l'heure, sur fond de tragédie grecque, en fait, ils sont en train de tourner une espèce de péplum improbable. Reste un peu d'humour quand même dans ce film. Hein. On sent des traits d'humour dans certaines phrases. Pourquoi j'ai marié une dactylo de 28 ans, etc. Il reste quand même un trait d'humour. Godard n'était pas dénué d'humour. Non, non, non dénué d'humour. Quand il dit dactylo de 28 ans, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'humour là-dedans. Je pense qu'il y a moi, ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire. Ben, et ben voilà, c'est ça aussi. Hein. À chacun ses émotions, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire que vous êtes bien toujours sur ma radio, l'émission de Mato. Et de Jojo, parce que Jojo est fait ouais, partie moi, je suis spectateur ce soir, hein, je suis vraiment spectateur. De cinéma. De cinéma, bien sûr. Et toi, t'écoutes quoi au cinéma, l'émission du Mato, tous les jeudis soirs, un spécial Godard ce soir, où forcément, on ne pouvait pas s'empêcher de faire une émission sur Godard, parce que c'est quand même la veine du cinéma français, en tout cas... Celui qui a su créer la rupture. Absolument. Dans les années 60. Bon, lui et beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'on décide, souvent les critiques, et à forte raison, on parle d'About Souf comme le film qui a fait tout changer. C'est-à-dire que la caméra, on tournait plus en studio, on mettait la caméra dans la rue. Donc déjà, ça c'était quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque. On utilisait les bruits d'ambiance, les figurants étaient les gens de la rue. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, c'était pas ça, ça se faisait en studio. Quoi. Et on parle pas de Georges Delerue, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y avait des gens dans la rue. Vraiment... Georges Delerue de la rue, super. Jean-Luc de la rue. Et Jean-Luc. Ouais. Ce que Jérémy propose, voilà. Je dois rentrer à Rome. Toujours Bardot. Après, c'est sa lettre de rupture. J'irai vivre seule à l'hôtel, je pense. Je t'embrasse. Adieu, Camille. Et là, malheureusement, la fin tragique, puisqu'elle va mourir dans cette voiture rouge, hein, cette voiture de sport rouge. Et il y a ce plan magnifique, on voit cet accident de voiture comme ça. Elle quitte Capri, hein, où une partie des prises de vue ont été faites, dans la villa Malaparte, une fabuleuse maison à l'architecture incroyable. Voilà, et là on écoute Silencio, c'est Fritz Lang qui dit Silencio, le grand Fritz Lang. D'ailleurs, Godard adore, était vénéré Fritz Lang. Ah, c'est émouvant d'écouter ces choses-là. Et juste après, là, voilà, dans 20 petites secondes, on va écouter une interview qu'a donnée Godard, justement, à propos du mépris. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il explique un petit peu ses intentions. Et notamment, il parle notamment de cette scène. La scène d'amour. Oui, absolument. Enfin, voilà. La scène d'amour. La scène de déclaration amoureuse. Ouais, scène d'amour, on peut dire d'amour. Ça. D'accord. On écoute. Notre ami Jean-Luc parlait. Les critiques musicaux, eux, et les critiques de peinture sont carrément payés. Dans Le Mépris, cette fameuse scène où Mademoiselle Bardot se dénude complaisamment, est-ce que finalement elle vous a été imposée ou pas? Pas complaisamment, non. Il y a beaucoup de tact, je trouve, au contraire. Mais est-ce que vous avez été imposée cette scène ou pas? Ah, mais c'est-à-dire, je ne l'avais pas tournée au début, et puis les producteurs américains m'ont dit c'est très beau, mais c'est pas commercial. Alors on voudrait une scène au début du film où Bardot et Piccoli sont tout nus dans un lit en train de s'aimer. On voudrait la même chose au milieu et on voudrait la même chose à la fin. Alors je dis à la fin, c'est pas possible. Au milieu, c'est pas possible puisqu'ils s'aiment plus. Ceci dit, je peux vous le faire d'une autre façon qui vous plaira quand même. Et au début, bon d'accord, mais je peux vous la faire d'une certaine façon seulement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, alors je l'ai fait comme ça. Enfin, vous ne l'aviez pas prévu au départ? Je l'ai prévu, mais enlevé, parce que je trouvais qu'elle était inutile. Je la trouve toujours inutile, mais... Enfin, inutile par rapport au... Ça n'apporte rien de plus à l'histoire, si vous voulez. Par mais je croyais que vous faisiez ce que vous vouliez. En oui, mais ça, je le veux. Moi, je le trouve très bien. Maintenant, je ne l'enlèverai pas. Si on me demandait de l'enlever, je voudrais l'enlever. À un moment, il y avait été question de l'enlever pour la censure, et ça, pour rien au monde. Oui. Mais, Brigitte Bardot... Godard, là, en coupe cut. Bien sûr, coupe cut. Dis-moi, Godard a été beaucoup victime de la censure, il en parle un petit peu. Ouais, souvent la censure chez Godard, c'est surtout, il n'y a pas eu vraiment de censure, mais c'est le public qui n'allait pas voir les films. Donc c'était c'était une auto-censure finalement. Ouais, absolument. On va écouter un moment un extrait où il parle justement d'un film, Les Carabiniers, un film politique, un film sur la guerre qui n'a pas du tout marché, à quel point ça l'avait affecté. Donc ouais, la censure, il se trouve qu'en France dans les années 60, on était quand même avant 68, c'est vrai qu'au niveau de la censure, il y aura un avant et un après. Lui, il n'en a pas beaucoup subi. Il l'explique effectivement dans ce film, cette séquence de nuit a failli poser des problèmes et au final, tout le monde l'a accepté. Tout le monde l'a accepté, ouais, bien sûr. Fort heureusement, en France, à cette époque, enfin en France toujours, on a eu quand même, on a réussi quand même. Les esprits étaient un peu ouverts. Voilà, et c'est marrant que tu me parles de censure, parce qu'à un moment... C'est drôle. C'est drôle même, parce qu'il va en parler à un moment donné, il va faire référence à une grande censure de l'époque, c'était La Religieuse, réalisée par son ami Jacques Rivette. Et adapté donc voilà d'un roman qui avait fait un petit peu scandale à l'époque, justement sur une religieuse et les relations d'amour et son désir qu'elle pouvait avoir, et le film allait être censuré. D'accord. Et a été d'ailleurs censuré. Et Agnès Varda faisait partie de toute cette école là ou absolument. Elle est venue un peu après? Oui, alors absolument, mais c'est-à-dire qu'après il y avait plein de satellites autour, c'est-à-dire que Jacques Demy par exemple, qui était le mari d'Agnès Varda, étaient des gens qui n'écrivaient pas, ils n'étaient pas critiques, donc ils n'intervenaient pas directement dans le noyau dur. Mais c'était des satellites qui, effectivement, ils admiraient beaucoup le travail de Demy. Ça faisait partie de la nouvelle vague, mais bon, après, c'est vrai que le définir le noyau dur, c'était toujours un petit peu... Mais on va dire que c'était des satellites, mais effectivement, Agnès Varda faisait partie, Cléo de 5 à 7, par exemple. C'est un film aussi qui marque rupture. La rupture, et puis le fait qu'Agnès Varda soit une femme, tout simplement ça paraît aujourd'hui hallucinant, mais le fait qu'elle... Enfin, aujourd'hui, ça paraît complètement naturel. Oui, à l'époque, ça paraissait hallucinant. Complètement, ouais. Et là, on va écouter juste après. Là, on écoute toujours le thème toujours de Camille par Delerue. On s'en lasse pas. Et on va écouter la suite de l'interview là qui a été coupée tout à l'heure. Voilà où coupé cut, hein. Coupé cut, mais comme Godard, on fait le montage ce soir. C'est ça que j'aime bien, moi. J'ai envie de faire des phrases à l'envers maintenant. Bah vas-y. Non, je sais. Enfin, il faut que j'écrive. Le cinéma, disait Bazin. Le cinéma. Bonsoir Thomas, nous sommes en direct. Je recommence au début. Elle a accepté facilement. Brigitte, elle avait accepté de faire ce film. Elle a fait ce que je lui ai demandé. Parce que dans le fond, maintenant, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut. Elle n'est plus obligée de se montrer dans une certaine tenue. Les producteurs sont déjà très contents rien que de la voir. Même habillée, elle vaut de l'or. Alors si elle l'a fait, cela veut dire quoi? Que ça lui plaît de se montrer ainsi? Ou vous qui la connaissez bien? Ça, je ne saurais vous dire, mais enfin, c'est un personnage. Et puis Brigitte Bardot, c'était dans ce film, c'était bien de la montrer au départ. Il faut pas tricher du moment qu'on la déshabille un peu, autant la déshabiller totalement, ou bien pas du tout. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle accepte encore de faire ça alors qu'elle n'en a plus besoin. Oui, moi, c'est pas une question d'accepter ou de pas accepter comme une jeune fille. C'est pas du tout érotique, c'est-à-dire accepter de se déshabiller ou pas déshabiller. C'est comme si vous disiez Praxitèle quand il sculptait Vénus nue. Est-ce que Vénus acceptait de se déshabiller? On est d'accord. Enfin, je veux pas être plus prude que je ne suis, mais je crois que c'est quand même une assez fausse raison, parce que des gens qui voudraient voir Mlle Bardot déshabillée dans un film d'un mauvais metteur en scène, d'un metteur en scène vulgaire, n'osent pas y aller. Et vous leur donnez bonne conscience, parce que par ce marché, vous leur donnez tant ça. Tant mieux, parce qu'ils ont bien raison. S'ils la trouvent jolie, moi aussi, il n'y a pas de... Certains de vos films ont été des échecs. Comment... C'est marrant, hein, on voit. Il a l'œil qui frise, Godard, le petit Vislard. Le petit Vislard. Non, mais c'est marrant ce qu'il dit avec ce critique qui fait un peu l'avocat du diable. Non, bien sûr. Les meurtres de l'époque. Je suis sûr que ce critique était le premier à aller voir Bardot à moitié à poil, hein, ou en tout cas totalement à poil. Oui, puis on est avant 68 où, quand même, montrer un corps nu à l'écran, ça avait quelque chose de scandaleux. Donc c'est pour ça le mépris. Il faut vraiment se rendre compte que cette scène, au départ, on imagine que les spectateurs à l'époque devaient halluciner. À Hollywood, par exemple, le code Hayes, qui était le code de censure, minutait le nombre de temps que durait un bisou sur les lèvres. D'accord. Voilà, s'il était au-delà d'un certain nombre de secondes. Non, c'était censuré. Censuré, ouais. Donc vraiment, il faut se replacer dans l'époque à quel point c'était. Donc non seulement il n'a pas été victime de la censure, mais il a fait bouger la censure plus que victime. Absolument. Ouais, ouais. Ouais, mais ça fait partie. Godard, c'est un combattant. Hein. C'est quand même quelqu'un qui n'a jamais, et encore aujourd'hui, essayé de flatter le public. Quand je dis flatter le public, il n'a jamais fait des films pour le public. Il a fait des films pour exprimer quelque chose. Absolument. Alors, effectivement, aujourd'hui, ça frise l'abstraction, le geste un petit peu complètement téméraire, des choses qui sont quand même, il y a encore des choses très intéressantes, mais c'est vrai que Godard des années 70-80 c'était particulièrement complètement abstrait, voilà, des choses comme ça. Voilà, on écoute Georges Delerue derrière nous là. C'est magnifique. Georges Delerue, là, c'est, on a terminé avec Delerue et le mépris maintenant. Ah. Maintenant, on peut continuer à s'aimer. Enfin, moi, je dis librement. mais moi, j'adore. Donc, t'étais envoûté. De toute façon, le mépris, pour moi, en termes de. Je parle pas en termes de film, mais en termes de thème musical cinématographique, c'est pour moi peut-être ce qui s'est fait de mieux. En tout cas, ce qui m'hérisse les poils. Ah, bah, très bien. On écoute une balade pour un escroc. Est-ce que Godard est un escroc, je sais pas. Je m'avance pas sur le ce grand sujet. Non plus. Non, le grand non. Non. Il a quand même composé pour Godard cette balade pour un escroc. Pour la télé, je crois. C'était une petite séquence pour la télé. C'est pas un film vraiment. J'adore cette musique. Un téléfilm quoi. Film, télé. Télé. Téléfilm. Ce que j'aime bien en écoutant ça, c'est que à quel point les compositeurs de musique savent, je sais pas, s'effacer, en tout cas s'adapter en fonction des films. Michel Legrand, c'est quand même celui qui faisait les BO des comédies musicales de Demi. Ouais. Là, c'est quelque chose qui est avec la petite guitare comme ça, de très lent. Je trouve ça admirable, cette façon qu'ils ont, finalement, la grande modestie et le recul qu'ils ont pour adapter leur style en fonction des films. Je suis pas sûr que c'était de la modestie. En tout cas, c'était un vrai savoir-faire. C'est-à-dire que les mecs s'adaptaient, c'était pas une sorte de modestie, mais c'était une vraie façon de travailler. C'est-à-dire qu'ils travaillaient en lien direct avec le réalisateur, ils avaient une sorte de discussion intellectuelle avec le réalisateur où ça permettait de les amener à quelque chose de juste parfait, exactement ce qu'il fallait pour le film. Je crois que c'est plus ça. Quand je parlais de modestie, c'est quand même d'accepter que sa musique ne soit presque un accessoire. Tu vois, en fonction, il y a l'image, il y a le son, il y a les dialogues. Ouais, mais là, je comprends pas parce que on est d'accord que c'est Godard considérait la musique comme le troisième personnage du film. C'est à l'opposé de ce que tu viens de dire. Il intégrait vraiment la musique. Pour un compositeur, c'était génialissime de travailler avec Godard parce que justement, c'était il considérait le travail du compositeur, à défaut de certains autres qui ne l'ont pas fait, certainement, malheureusement. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, Godard considérait la musique comme un art majeur, et même la musique de film. Je parlais de modestie, parce qu'effectivement, il fallait accepter quand même que donner sa musique et qu'elle soit après utilisée, coupée au milieu d'une séquence ou des choses comme ça. Et il faut quand même accepter ce genre de choses. C'est ça que je trouve absolument. Mais évidemment, Michel Legrand, grand compositeur de musique, bien sûr, a été très estimé par Godard et réciproquement. Je parle de modestie parce qu'effectivement, il y a les interprètes, les compositeurs qui composent de la musique en soi. Mmh. Et là, c'est quelque chose qui, je sais pas, qui vient s'ajouter au film, qui vient s'additionner. Disons qu'il fallait pas trop avoir d'ego avec Godard, j'ai l'impression. Ah ouais, parce que Godard, ou alors en tout cas, il fallait accepter la confrontation. Parce que Godard, c'est quelqu'un d'assez subtil. C'est quelqu'un qui a un discours. Une vraie vision. Une vraie vision, c'est vrai. Quelqu'un de visionnaire, un vrai discours. Pour le contredire, il fallait être, à mon avis, sacrément. Accroché. Ouais, accroché, ouais. Voilà. Vous n'êtes pas dans un lobby d'hôtel, vous êtes bien sur ma radio. Absolument. Et bien même sur ma radio. Et très bien. Voilà. Et là, on va écouter Godard qui parle de la critique lui-même. J'aime beaucoup quand tu fais juste « et voilà ». Et voilà. Et voilà. Et après, on s'écoutera de la musique d'Alphaville. Ouais. Voilà. Et, non, ça, c'est quoi, pardon ? Ça, excuse-moi. Oui, non, c'est la musique maintenant d'Alphaville. Qui commence. Excuse-moi. Il va parler de la critique après, notre ami Godard. Ça a été composé par qui, ça, là, pardon ? Tu parles de Paul Misraki. Tu parles de Paul Misraki, oui, hein, le grand Paul Misraki. Voilà, absolument. C'est la première et unique collaboration avec ce compositeur. Et non pas Raphaël Mesraï, hein, rien à voir. Aucun rapport. Peut-être un vague descendant, mais pas du tout. Alphaville, film surprenant, hein, dans le cadre de Godard, une espèce de film de science-fiction, espèce de film très très bizarre, on en parlera après. D'accord. On s'écoute, c'est rien à voir avec Alpha Blondie, tout ça, non. Rien à voir avec Alpha Blondie. D'accord. J'ai envie, tu as envie de mettre un peu d'humour dans cette émission. Oui, j'adore ça. Une pointe d'humour. Absolument. Alphaville, c'est Godard le définissait comme un film de science-fiction qui parle du réel. D'accord. Donc c'était très ancré dans le réel, et c'est vrai que le personnage principal d'Alphaville, c'est surtout la ville, et cette ville, c'est Paris. D'accord. Voilà. Bon, bah, on écoute Godard. Godard. Parler. Complètement égal, pourvu que les gens aillent voir les films que je fais, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que vous pensez de la critique ? Bah, beaucoup plus de bien que n'en pensent les gens. Je crois que c'est du fait que j'ai été un ancien critique. Autrefois, c'est que j'ai dit énormément de mal et j'ai été très cruel et très méchant avec beaucoup de personnes et que je n'ai pas changé d'opinion à ce propos-là. Mais enfin, quand je vois des mauvaises critiques, enfin, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça m'est égal. Mais quand une critique est mauvaise à votre propos, est-ce que vous avez un pincement au cœur ? Je la trouvais juste ou injuste, mais pas du tout. Pas du tout, ça ne me touche pas, on peut proférer les pires insultes, même personnelles, et les critiques, justement, c'est moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général, je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal à la personne physique, je ne sais pas, en disant du mal de leur femme ou de leur coupe de costume ou de n'importe quoi, je comprends ça très bien, mais ça n'a pas d'importance, parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur. Mouvement d'humeur. Dieu sait s'il s'en est pris plein la gueule, hein, Godard, quand même. Absolument, tout au long de sa carrière, et encore aujourd'hui, il s'en prend plein la gueule. Ouais, là, on est en 72, mais c'est vrai qu'il assume totalement ce qu'il dit. C'est vrai que lui, ça a été un critique, donc il a connu tous les rôles, hein, celui de critique, de cinéaste, de critiqué, de critiqueur. Mm. C'est une belle leçon, ce qu'il dit, hein, sur la critique, parce que... Peut-être que tu ne connais pas la réponse, mais en tout cas, je la pose, la question. Est-ce qu'il y a au moins un film qui a été... voilà, unanime, les critiques étaient unanimes, c'est une masterpiece, comme on dit, une pièce maîtresse, c'est quelque chose, pas après coup, parce que je pense qu'aujourd'hui, après coup, toute critique de cinéma pourra dire que Pierrot le Fou, enfin tous les films de Godard aujourd'hui sont des chefs-d'œuvre, mais lors de la sortie, est-ce qu'il y a... des films qui ont été justement criés au génie par toutes les critiques. Déjà, ou est-ce qu'il s'est fait à chaque fois tailler un peu comme ça? Il s'est pas fait à chaque fois tailler. D'ailleurs, c'est marrant parce que Godard, pour beaucoup de gens, il y a une période où beaucoup de critiques ne le suivaient pas, je dirais intellectuellement, mais le suivaient par écrit parce que c'était bien de suivre Godard et que si on n'aimait pas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas compris. Donc c'était une gageure. Et donc, c'est-à-dire qu'on préférait dire qu'on avait adoré même si on n'avait rien compris. Et écoute, le mépris, je sais pas. J'ai l'impression que le mépris, il y a eu une espèce d'enthousiasme critique dès sa sortie. C'est un film qui sonnait comme une évidence. D'accord. À bout de souffle également. Je sais pas parce qu'à bout de souffle, c'était plus la rupture, ouais, c'est-à-dire que les gens étaient habitués à un certain genre de film et là qu'ils sont retrouvés confrontés. Il y avait beaucoup de bonnes critiques, mais on imagine que beaucoup de gens devaient s'interroger sur le sens de tout ça. Bah on écoute la critique, la suite. Bah ouais. Artistique, ça sera toujours inférieur et les trois quarts des critiques, c'est un état de passage. C'est pour ça que les critiques sont toujours amères et tristes vis-à-vis de ce qu'ils louent, de ce qu'ils décrivent. Enfin, vous, en somme, d'être devenu metteur en scène après avoir été critique, vous pensez que c'est plutôt un bel avancement ? Oui, mais je pense que c'est bien d'avoir été critique, c'est une bonne formation. Mais est-ce que ça ne risque pas de stériliser l'imagination ? Non, parce que moi, ça m'a fait tout aimer, ça m'a appris à ne pas être sectaire, à ne pas refuser, je ne sais pas, Renoir au nom de Billy Wilder ou les choses comme ça. Je les aime bien tous les deux, même s'ils sont très opposés. Est-ce que vous connaissez un critique qui a eu totalement raison à votre sujet ? Non, mais je ne lis pas tout ce qui paraît non plus à mon sujet. Mais d'une manière générale, si on dit du bien de vous, est-ce que vous avez éprouvé du plaisir ? Ah oui, beaucoup. C'est vrai ? Vous êtes sensible. Quelle que soit la personne qui dise du bien de vous ? Évidemment. Mais la seule fois où j'ai été un peu triste, c'est quand Louis Chauvet du Figaro a dit du bien d'un de mes films, parce que je me suis dit, il est moins bien que les autres si Chauvet... Donc on comprend bien que voilà, même quand il avait des bonnes critiques, il n'était pas forcément content. Godard dans ses œuvres, hein, il s'est lancé un pic aux critiques de l'époque. Je ne connais pas ce Chauvet du Figaro, mais il ne l'aimait pas. Anna Karina, hein, ouais, qui était la femme à ce moment-là de Godard. Je suis trop romantique, c'est Mick ou Mac, oh que Mac. Qu'est-ce que je peux faire ? Le Micmac. Le Micmac, un grand film aussi des années 80, hein, le Micmac. Micmac, moi je connais pas Micmac. Tu te souviens pas de Micmac ? Non, pas du tout. C'était quel film déjà ? Il y a eu un film. Black Micmac, non ? Black Micmac, ah, c'est oui, ça. Ah oui, de Thomas Gilou qui a fait après La vérité si je mens. Voilà, c'est ça, voilà. Black Micmac. Mais là, c'est Pierrot le Fou quand même, hein, la Karina. Dans voilà. Micmac. Mick et Mac. Mick et Mac. Anna Karina, donc, qui était la femme de Jean-Luc Godard. Qui était la femme de Juan Luca Godard. Hein, et aujourd'hui, il est marié encore, j'imagine, à Juan Lucas. Juan Lucas est marié, oui. Ouais. Avec qui ? Alors, son nom m'échappe, Miéville, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, c'est sa femme. Bon, on retrouvera d'ici la fin de l'émission. Jean-Luc Godard qui a fait un film. C'est quoi le dernier film de Jean-Luc Godard là, Notre musique. Notre musique, qui est sorti il y a longtemps ou... Il y a 2 ans maintenant. 2 ans. Et il prépare quelque chose d'autre, toi qui sais tout ? Je sais pas du tout, je vais le rencontrer à Berlin. J'ai la chance de le rencontrer à Berlin dans une semaine et demie. Donc je verrai bien au European Movie Awards. Ouais. Au Lion d'Or. Lion d'Or, c'est ça Non, rien à voir. D'accord, Movie Awards, c'est Berlin, la finale de Berlin. Là, c'est rien à voir. C'est une célébration qui se passe à Berlin. D'accord, ok. Donc, et juste après, on écoute quoi? Et toi, t'écoutes quoi? Le trailer, la bande annonce d'époque de Pierrot le Fou. Terrifiant et marrant. Nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. C'était un film d'aventure. Son sang coulait de 1000 blessures et il combattait seul. Elle avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Compère, vous mentez. Compère, qu'as-tu vu? J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. M'échapper. Jamais. Bien aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Un petit port comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile comme dans les romans de Stevenson. Un ancien bordel comme dans les romans de Faulkner. C'était un film d'aventure. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. C'était un roman d'amour. La recherche du temps disparu. Les jours passent. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. C'était un film d'aventure. La prise de Constantinople, l'histoire de Nicolas de Staël et de son suicide, je sais pas. Des siècles s'enfuient à dans le lointain, comme des orages. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. Marianne Renoir. C'était un roman d'amour. Tendre et cruel. Réel, réel. Terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. Pierrot le Fou! Ah, magnifique. On en profite pour faire un petit clin d'œil à Jean-Paul Belmondo, là, qui est dans un état assez grave critique aujourd'hui. Ouais. Et donc, juste, j'ai envie de dire, ça confirme ce qu'on vient d'écouter, là, la bande-annonce de l'époque de Pierrot le Fou. Ouais. Ça confirme ce que tu disais tout à l'heure en ce qui concerne la littérature. Absolument. Et le cinéma. C'est-à-dire que là, c'est exactement ce que... Il parle pas de cinéma, il parle de littérature. Absolument. Il parle de Stendhal, de et tout ce ça. Ce qui est fantastique, c'est que pourtant, c'est du cinéma. Ouais, et voilà, tu as tout à fait raison. Et il utilisait, notamment, il a commencé dans Une femme est une femme, à utiliser des couvertures de bouquins. Mm-hmm. Et donc, il faisait des phrases, tu sais, avec des collages. D'accord. Où il mettait un nom d'un... Je sais pas, il extrait un mot d'un bouquin, un autre lui répliquait. D'accord. Tout ça. C'est pour lui, la littérature, c'est du cinéma. Et le cinéma, c'est un peu de la littérature. Absolument. Mais d'accord. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'interviewais un cinéaste russe récemment qui s'appelle Sokourov, mm-hmm, et qui plaçait la littérature au-dessus de tout. Et pas des moindres. Et il me disait, par exemple, la plus belle leçon de montage que j'ai reçue, c'est en lisant l'enterrement de Madame Bovary de Flaubert. D'accord. Ou le bal de Natacha dans La guerre et la paix de Tolstoï. D'accord. Voilà, à méditer sur cette musique. À méditer. Magnifique. Et en tout cas, à lire. Alors tout à l'heure, j'avais un petit peu hésité en te donnant le nom de la femme actuelle de Godard. Elle s'appelle Anne-Marie Miéville, qui est d'ailleurs réalisatrice et aujourd'hui co-réalise en fait les films ensemble. De Godard. Notamment, je crois le premier film, c'était Forever Mozart, le premier film qu'ils ont co-réalisé ensemble. D'accord. Et on écoute quoi là? Antoine Duhamel, le thème de Ferdinand, le personnage que joue Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou. Thank you. pendant qu'on écoute, on m'entend là, ouais. Pendant qu'on écoute la musique d'Antoine Duhamel, que Antoine Duhamel a composée pour Pierrot le Fou, il faisait cette réflexion, Antoine Duhamel. Duhamel nous vient de nous appeler, hein, le journaliste Duhamel vient de nous appeler, nous dire ce n'est pas mon fils, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas quelqu'un de ma famille et tout voilà. Ça. Il disait, les images de Godard appellent d'elles-mêmes un certain type de musique. Je trouve cette phrase, elle veut tout dire. Ouais. Elle dit tout. Je reste sans mots. Tu restes sans voix et sans mots. Ouais. Mais les mots comment? Les mots d'amour ou les mots de cœur? Tu aimes mes seins? Regarde mes seins dans la glace. Tu aimes mes fesses? Je pense que si on le refaisait, on serait ridicule. Tu aimes mes épaules? Alors, tu m'aimes totalement. Je t'aime totalement, tragiquement, tendrement, dramatiquement. Oh là là, ça y est, je suis picoli. Oh, j'ai envie de toi. Je vais te faire une spéciale dédicace. Je sais que tu adores cette chanson. Ah, moi, je l'adore. Elle passe sur ma radio. Elle passe sur ma radio tout le temps, qui est chantée par Anna Karina. Absolument. Pour le film Pierrot. Le Ouf. Le Ouf, composé par Antoine Duhamel. Un film de Jean-Luc Godard. Voilà. Donc, laisse-moi un petit peu, baisse un petit peu le son de cette musique et je vais enchaîner direct. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. C'est pas Godard qui a écrit les paroles de cette chanson et on va s'écouter tout de suite. Et ben la grande Anna Karina. Anna, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Si peu de chance dans la mer, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense. Quelle importance, c'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. J'aime la caresse de mes mains, ta ligne de hanche. Ma ligne de chance. C'est une fleur dans mon jardin. Mais regarde ma petite ligne de chance, mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche, ma ligne de chance. C'est un oiseau dans le matin, ta ligne de hanche, ma ligne de chance, l'oiseau frivole de nos destins. Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien, à peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense. Ah, c'est super ça. Ah, c'est magnifique, mais moi je pensais que c'était Belmondo, parce que dans le film c'est Belmondo qui, en tout cas, qui singe, qui lui donne la réplique. Mais apparemment, oui, c'est vrai qu'elle se reconnaît pas trop la voix de Belmondo là-dessus. Non, ça a été réenregistré en studio et ça doit être sûrement Serge Reznavi qui est aussi le compositeur de la musique. D'accord. Et pour l'anecdote, puisqu'on reste dans le cinéma, Serge Reznavi était celui qui avait aussi composé la fameuse chanson Le tourbillon de la vie, chantée par Jeanne Moreau dans Juliette. D'accord. Ah ouais, super. Donc on reste chanson, avec La Nouvelle Vague. Qui était un peu la chanson qui a rattrapé Vanessa Paradis, qui la chante beaucoup aussi. Hein. Ah, ouais, à Cannes, tu viens de Moreau, ouais. C'était assez émouvant. Exact. Exact. Et là, on va écouter Godard parler de Bresson et justement de la censure. J'en parle après. D'accord. Écoutez. Est-ce que pour vous, ils sont gênants, comme ils le sont pour Bresson, avec leur personnalité? Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout raciste comme. Comme Bresson, qui est vraiment ce qu'il y a de... qui est même assez terrifiant de ce point de vue-là. Et c'est l'Inquisition, Bresson. C'est les, c'est les gens qui interdisent la religieuse. Du reste, Bresson est tout à fait d'accord qu'on interdise la religieuse. Alors ces films sont magnifiques et très beaux, mais peut-être justement parce que il y a eu des grands artistes qui étaient des grands exemples d'intolérance. Et il est un... Mais il en parle, enfin c'est ce que je lui ai dit une fois à Bresson, c'est que lui est un type intolérant, mais il emploie un moyen mécanique qui est le cinéma, et du seul fait qu'il est mécanique, qui est profondément tolérant. Le cinéma, par définition, est laïque et républicain, si vous voulez, ou démocrate, enfin, ou libéral, parce qu'il ne juge pas, il enregistre simplement. Et c'est pour ça que les films de Bresson, enfin, l'intolérance est tempérée, ou même évangélisée, si vous voulez, par la bonté du cinéma. C'est pour ça que ces films sont si magnifiques, parce qu'il domine magnifiquement son moyen. C'est super ce qu'il dit. Hein. Ouais, c'est super, mais il fallait le suivre. Hein. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Si je résume, c'est qu'il parle de Bresson, et il parle de Bresson de l'intolérance. Bresson était ce qu'on peut appeler un janséniste. C'était quelqu'un de très très religieux, donc qui était porté par la religion. Et donc la religieuse dont je parlais tout à l'heure, le film de Jacques Rivette, qui parlait des amours d'une religieuse, a été censuré à l'époque. Et Bresson, le cinéaste Bresson, qu'admire profondément Jean-Luc Godard, faisait partie des censeurs de ce film. D'accord. Et donc, il en vient à parler justement de la censure et de Bresson en disant que Bresson a tort parce que par définition, le cinéma est laïque et républicain parce qu'il enregistre, donc la caméra enregistre, les sons enregistrent. Donc il ne juge pas, il enregistre. Donc il y a quelque chose de tolérant dans le cinéma. Je hoche voilà. La tête. Et c'est là où Godard est puissant dans ses réflexions. L'idée que le cinéma, c'est avant tout une mécanique qui enregistre et donc par ça, il est donc de gauche, si je puis dire, il est tolérant. Je trouve ça très intéressant. Écoutez, je pense qu'à un moment donné, on peut passer la nuit à parler de Godard. Parce que c'est juste une encyclopédie en 40 volumes, je pense, Godard. Et on peut raconter et parler beaucoup de choses. On n'a pas parlé de beaucoup de choses sur Godard ce soir. Malheureusement, en une heure, on n'a pas le temps de raconter tout sur Godard. On a même dépassé un petit peu, mais... Le temps a parti, le temps que tu m'avais imparti. Voilà, maintenant j'ai imparti un temps d'une heure aux émissions, parce qu'au bout d'un moment, les gens se lassent, mais forcément. Mais, se lassent et se prélassent. Se lassent et le prélassent avec ta sélection et la voix de Godard et son explication. On a quand même... fait un petit tour d'horizon sur la critique, la création, la censure, enfin des thèmes assez chers à Godard et qu'il a exprimé, et non seulement avec ses films mais aussi avec des extraits sonores que tu nous as fait le plaisir de découvrir. On va se quitter d'ici quelques instants. On écoute quoi là en ce moment? Bah écoute, on écoute Elle et lui. Hein, en fait, une musique qui a été composée par Antoine Duhamel, hein, qu'on écoutait toujours. Tout à l'heure sur Pierrot le Fou. Là, c'est pour le film Weekend de 67. Voilà, donc une composition d'Antoine Duhamel. Le morceau Elle et lui, un truc qui résume assez bien la nouvelle vague. Hein, c'était toujours des histoires de couple. Hein, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'était avant tout des Pygmalions. Hein, ils ont été dans les bras des plus belles femmes quand même. Hein, Truffaut, Deneuve, Fanny Ardant, Godard, Anna Karina, notamment. Donc c'est quand même pas mal. Et puis bon ben je sais pas, Godard c'est quand même sa voix et sa pertinence. Ouais. Donc si tu me le permets, ouais. on va se quitter après sur la voix de Godard et on va le laisser finalement conclure lui tout seul où il parle de la télé. Bien sûr. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Godard est un défenseur de la télé. Et ben on le laisse et là on écoute quoi là? La Chinoise, un film révolutionnaire là, 68 est passé par là, en tout cas va bientôt passer par là. Mmh. Et Godard bien sûr, homme de gauche par excellence, était un porte-drapeau. Absolument. La Chinoise avec Jean-Pierre Léaud et Anne Wiazemski, actrice ô combien magnifique, qui sera aussi sa femme, décidément. Décidément, il a enchaîné. Quel joli cœur ce Godard. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tu et moi je mets Mao Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao. Jap dénonce, je renonce Mao Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. la base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. N'existe plus. Ouais. Est-ce que le cinéma peut être un métier pur? Ah, je crois, il est fait tellement de compromis et de, que forcément on retrouve la pureté à la fin. Au moment où de jeunes cinéastes comme François Reichenbach et Louis Malle abordent la télévision, que pensez-vous, vous, de la télévision? Mais la télévision, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un moyen de transmission. Je ne sais pas pourquoi les gens de télévision et les gens de cinéma sont fâchés entre eux. C'est des deux côtés, c'est des crétins, parce que on cherche à faire exactement la même chose, c'est à faire du spectacle sous une forme ou sous une autre pour intéresser les gens ou leur apprendre quelque chose. Moi, pour ma part, j'ai une grande envie, je ferai certainement. Je ne suis pas triste du tout si le cinéma n'existe plus, parce que je ferai de la télévision. La télévision transmet les choses. S'il y a pas, si je ne peux pas voir aller à la comédie, disons pas à la comédie française, disons à Strasbourg-en-Avon voir Shakespeare, et ben je suis content que la télévision m'en transmette une représentation. J'aimerais mieux le voir sur un vrai écran, bien éclairé, bien joué, mieux fait qu'à la télévision. Ceci dit, je suis content que la télévision. Voilà, on coupe de manière brutale, comme le fait Godard. Brutal. On se tire sur ses mots. Hein. Voilà, Godard, quelqu'un de vraiment, on est en 70, quelqu'un de vraiment d'intéressant. Comment il parle de la télé, de la transmission, le cinéma, c'est transmettre. Est-ce qu'il pense ça encore aujourd'hui? Bien sûr. Ouais. Ah oui, puisqu'il utilise des moyens de la télévision pour faire ses films aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne dit pas ça en l'air. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchissait à ce qu'il disait. Là, en 70, il dit ça. La télé n'a pas été critiquée comme elle a été critiquée aujourd'hui. Il est de bon ton de critiquer la télé. Lui, il croit encore comme moyen de transmission, même si, évidemment, la télé actuelle, les programmes ne lui conviennent pas. Le médium télé, en tout cas... Reste un moyen de diffusion. Et de transmission. Ouais. Voilà. C'était Et toi t'écoutes quoi au cinéma avec Le Mato qui nous a fait découvrir ou en tout cas il nous a fait redécouvrir ou en tout cas éclairer sur le sujet Godard. C'était Le Mato que vous pouvez retrouver tous les jeudis soirs avec son émission Et toi t'écoutes quoi au cinéma. Forcément on n'a pas eu le temps parce que forcément ça durerait des heures et des heures de parler de Godard dans tous les sens, mais en tout cas c'était une petite parenthèse ou en tout cas un petit clin d'œil à Godard et ça vous permet de peut-être un peu plus comprendre, en tout cas moi ça m'a fait un peu plus comprendre l'univers de Godard et ce qu'est été et ce qu'est Godard encore aujourd'hui. On a toujours une petite pensée pour Jean-Paul Belmondo. Pour Bébel, le grand Bébel. Pour Bébel qui est entre deux univers. Entre deux mondes. On vous laisse sur la musique de Sporton Contes qui a remixé Ferdinand. Tiré du film Pierrot le Fou, composé par Alain Duhamel. Voilà. On ne vous cache plus rien maintenant. Voilà. Nous, on aime Godard, mais on aime aussi le hip-hop. Et on va de ce pas aller voir Raekwon, Represent, Will I Am, Killer Bees et tout ce beau monde, Chromeo, DJ Mehdi, tout ça. Et ça se passe au Showcase. Alors si vous ne savez pas quoi faire, dépêchez-vous d'aller au Showcase. Il y a peut-être des téléphones Nokia à gagner. Godard adorerait ça. Oui, voilà. Donc, j'espère que vous